diriez-vous qu'est-ce que vous voulez dire? Que cosa... Vous voulez dire? Ah, que cosa vuole dire? Oui, bien. Che cosa vuole dire? Quand vous dites che cosa vuole dire, ça peut avoir plusieurs sens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, si vous dites che cosa vuol dire, sans le e final de vuole, che cosa vuol dire, c'est seulement qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour qu'est-ce que ça veut dire, on a deux solutions. Che cosa vuole dire ou che cosa vuol dire? Tandis que pour qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'elle veut dire, on n'a que la solution avec le e final de vuole. Che cosa vuole dire? Maintenant, expliquer se dit spiegare. S-P-I-E-G-A-R-E. Spiegare. Spiegare, expliquer. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Se dit tout simplement. Pour. Oui. Pour. Spiegare. Spiegarmi perché? Bien. Pour spiegarmi perché? Et comment diriez-vous? Pouvez-vous me l'expliquer? Pour. Lo spiegarmi? Il ne faut pas séparer les deux verbes l'un de l'autre. Vous pourriez dire... Donc, est-ce qu'il faut mettre lo au début? Est-ce qu'on dirait lo pour? Oui, allez-y. Lo pour spiegarmi? Non, est-ce qu'on met mi devant le verbe? Oui, essayez. Donc ça donnerait lo pour mi? Non, non. Qu'il y ait... Un ou deux mots comme « me »,« le », etc., c'est le même principe. Soit vous les mettez tout au début, soit vous les collez tous les deux à la fin de l'infinitif. Est-ce que ce serait un cas où on mettrait « mélo » ? C'est ça ! Può mélo spiegare ? Rappelez-vous ce que je viens de dire. « Mélo » se place soit avant le verbe conjugué, soit à la fin de l'infinitif. « Mélo può... » Spiegare. Oui. Me lo può spiegare? Spiegare, oui. Répétez encore une fois, c'était bien. Merci. Me lo può spiegare? Voilà, c'est ça. Me lo può spiegare? Donc, encore une fois, me lo se place soit au début de la phrase, soit accroché tous les deux à la fin de l'infinitif. D'accord? On peut dire spiegare me lo alors? Essayez, on verra bien. Può spiegarmelo? Oui, mais maintenant, on a trois mots en un. Le verbe plus melo, qui se prononce avec la même accentuation que quand on avait le verbe tout seul. Le verbe, c'est... Spiegare. Oui, spiegare, en insistant sur le A. Et maintenant, raccrocher me et lo, en faisant bien attention à garder la même accentuation. Spiegare. Oui, allez-y. Spiegarmelo. Voilà, c'est ça. Spiegarmelo. Può spiegarmelo? Maintenant, demandez pourquoi ne voulez-vous pas me l'expliquer? Perché non vuole? Oui. Perché non vuole spiegarmelo? Bien, oui. Perché non vuole spiegarmelo? Et rappelez-moi comment on dit « je ne sais pas ce qu'il veut ». Non lo so. Non lo so, c'est « je ne le sais pas ». Ah, non so. Oui, et rappelez-moi comment on dit ce que. Ciò. Ciò che. Ciò che, exact. Non so ciò che il veut. Vuole. Vuole, oui. Non so ciò che vuole. Maintenant, attendre se dit aspettare. A-S-P-E-T-A-R-E. Aspettare. qui rappelle l'expression « être dans l'expectative », sauf que quand on a « ct » en français, en italien on a « deux t ». C'est pareil par exemple pour « acte », « atto » ou « dictateur », « dittatore ». Donc « aspettare ».« Aspettare » c'est « attendre ». Comment diriez-vous alors ? Pouvez-vous m'attendre, s'il vous plaît ? Può mi aspettare ? Comment dit-on attendre ? Aspettare ? Non. Aspettare. Può mi aspettare ? Comment dit-on faire ? Fare. Fare. Alors, comment dites-vous ? Voulez-vous le faire ? Vuole farlo ? Vuole farlo, oui, et non pas vuole lo fare. Quand on a un infinitif, c'est-à-dire la forme du verbe qui se termine en are, ere ou ire, on rattache lo ou mi, etc., à la fin du verbe. Donc, redites-moi, voulez-vous le faire ? Vuole farlo ? Voilà, vuole farlo. Alors, pouvez-vous m'attendre ? Donnerai può aspettarmi ? Bien, c'est ça. Può aspettarmi, s'il vous plaît ? Per favore ? Oui. Può aspettarmi, per favore ?